On commence, inshallah. Inna alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on continue aujourd'hui, c'est le cours 31 dans l'explication de la aqida des deux Razi, Abu Hatim al-Razi et Abu Zur'a al-Razi, qui étaient deux parmi les grands imams d'Ahl Sunnah, les ulama du hadith de l'époque de l'imam Ahmad. Ils viennent de la même ville, mais ce ne sont pas des frères. Non, ils ne sont pas des frères. Et Razi, c'est le nom de la ville d'où ils venaient, donc ils ont le même laqab. D'accord, mais ils sont pas, des frères, non. Ils sont pas de la même famille. Toutefois, ce sont deux grands ulama, deux grands imams, parmi les grands ulama des salafs. On est arrivé à la dernière partie, qui est la partie 31. On était en train d'expliquer justement les noms que les gens de bid'a donnent aux gens de la sunna par rapport aux différentes bid'a qu'ils suivent. Et on était en train d'expliquer que, on a expliqué que les Qadariya, les Jahmiya, ils appellent les gens de la Sunna Mushabbiha. Et les Qadariya, ils appellent les gens de la Sunna Mujbira. Et les Murji'a, ils appellent les gens de la Sunna Mukhalifa ou Naqsaniya. Et les Rafida, ils appellent les gens de la Sunna Nasiba. Et donc on était en train d'expliquer ces choses-là dans les paroles de Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, et là on parlait en particulier des Qadariya et comment ils appellent les gens de la Sunna Mujbira. Le Cheikh il dit, et on continue donc qu'est-ce qu'on était en train d'expliquer par rapport aux actes et aux actions des créatures. Le fait que Allah subhanahu wa ta'ala a créé, nous a créé et a créé nos œuvres. Et le cheikh il dit, malgré tout donc, on est responsable de qu'est-ce qu'on fait. Si on fait des œuvres de bien, on les fait volontairement, et Allah subhanahu wa ta'ala va nous récompenser pour ces œuvres-là. Et si on fait des actes de désobéissance, eh bien, on les a fait volontairement, et on a été satisfait de ces péchés-là, de ces désobéissances-là, on n'a pas été forcé de les faire, on les a fait volontairement, comme tel, on sera jugé et puni, si on a fait ces péchés-là. Donc on est responsable de nos œuvres, contrairement à ce que prétendent les Jabriya. Contrairement à ce que prétendent les Jabriya et les Qadariya qui nient, eux, le Qadar. Les Jabriya, c'est ceux qui exagèrent dans l'affirmation du Qadar, tandis que les Qadariya, ce sont ceux qui nient la prédestination, ils nient le Qadar. Le Cheikh, il dit, « فَالْعَمَلْ الَّذِي تَأْتِيهِ بِمَحْدِ اخْتِيَارِكِ وَرَغْبَتِكِ لَا يُقَالُ فِيهِ إِنَّكَ مَجْبُورٌ عَلَيْهِ أَبَدًا المجبور والمكروه غير المختار فهذا يأتي الأشياء باختياره ورغبته ويحقق شهواته ورغباته ويخطط للإجرام ويفعل الأفاعيل كل هذه الأشياء مسؤول عنها أمام الله تبارك وتعالى. نعم. Donc le cheikh il dit que les actions que tu fais de ton propre choix et de ta propre volonté, de ton propre désir, on ne peut pas dire que tu es forcé de les faire. Impossible. qu'on dise ça. D'accord? Tu fais quelque chose, tu l'as décidé. Hein, par exemple, je sais pas moi, supposons que tu prends, par exemple, tu prends un verre, puis tu mets de l'eau dedans, puis tu le jettes sur quelqu'un. Ça, c'est un action que tu as fait volontairement. Hein? Personne ne t'a forcé à le faire, tu l'as fait, tu as décidé, tu as planifié, tu as calculé, tu as fait l'action volontairement. Personne ne t'a forcé de le faire. Ça, c'est un exemple. Un autre exemple, tu marches avec un verre d'eau dans tes mains, tu trébuches sur quelque chose, le verre vole dans les airs, il tombe sur toi. Ça, est-ce que tu as été forcé de le faire? Tu n'as pas eu le choix. Parce que c'est un accident. Qu'est-ce qu'on dit? Ça, c'est un accident. Tu n'as pas calculé. Tu n'as pas voulu faire ça. Donc, tu ne seras pas jugé pour ça. Hein? Ce n'est pas la même chose. Donc, il faut voir la différence entre les actions que tu fais, que tu as choisies, et les actions qui se sont produites, qui ont été prédestinées pour toi, et dans lesquelles tu n'as pas eu de choix. Mais c'est des accidents. C'est des choses qui se sont faites par accident ou par erreur. Le cheikh, il dit, la personne qui est forcée, qui est contrainte, hein, qui n'a pas choisi qu'est-ce qu'elle fait, hein, et, elle n'est pas responsable de ses œuvres. Hein, même que, on dit souvent, même dans la Aqidah par exemple, l'exemple de Ammar ibn Yasir, lorsque il avait été pris par les mouchriquines, on a torturé sa mère et son père, et même les mouchriquines ont tué son père et sa mère. Et après, ils l'ont forcé à dire des paroles de kufr ou à faire quelque chose, à dire des choses qui sont contraires à l'islam. Et il l'a dit. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé pour lui, il a dit, mais où est-ce qu'il est Ammar? Et ils ont su que Ammar ibn Yasir, hein, il avait été torturé par les mouchriquines, puis par la suite il avait dit une parole de kufr. Alors il n'osait plus retourner voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, amenez-le, hein, dites-lui de venir. Alors il est venu et il a dit, ô messager d'Allah, j'ai dit des paroles de kufr, j'ai dit des choses, hein, qui sont graves. Hein, je ne sais pas s'il avait approuvé des idoles ou bien qu'il avait insulté le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou des choses comme ça. Alors il n'osait plus, tu sais, il a dit, j'ai dit des paroles graves et là maintenant je ne sais pas, je ne voulais plus revenir en ta présence à cause de ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand tu as dit ça, est-ce que dans ton cœur tu avais la foi? Il a dit, oui, j'avais le cœur rempli de foi. Alors il a dit, dans ce cas-là, hein, s'il t'attrape encore une fois, puis il te force à le dire, dis-le encore une fois. Hein, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il va pas te punir pour quelque chose que tu as fait sous la contrainte, quand tu as été forcé de faire quelque chose. Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman, comme c'est écrit dans le Coran. Hein, si tu as été contraint alors que ton cœur était dans la tranquillité de la foi. Hein? Donc, si quelqu'un il fait quelque chose de son propre gré, de son propre désir, il a réalisé son désir, sa passion, hein? Il a planifié et calculé son crime, et il a fait toutes sortes de mauvaises choses, il va être responsable devant Allah, tabaraka wa ta'ala. Hein? Et il dit, وَإِنْ كَانَتْ هَذِهِ الْأَشْيَا لَا تَخْرُجُ عَنْ إِرَادَةِ اللَّهِ لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَتَعَالَى وَيَتَنَزَّهُ أَنْ يَكُونَ فِي مُلْكِهِ مَا لَا يُرِيدُ أهل السنة يثبتون أن المخلوق وفعله وأن المخلوق وفعله مخلوقان لله عز وجل لكن يثبتون قدرة العبد واختياره وإرادته الفرق بينهم وبين الجبرية الجبرية يقولون أن العبد مجبور ليس له اختيار هذه الأفعال هي أفعال الله فالعبد مجبور ليس مسؤولا عن هذه الأعمال قاتلهم الله كلهم على ضلال والحق هو ما قرره كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام من أن كل شيء خلقه الله الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل والله خلقكم وما تعملون أنت وعملك مخلوق ليس هناك شيء غير الله وصفاته خارج عن كونه مخلوقا لله الخير والشر كله يرجع إلى تقدير الله عز وجل ومن أركان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تبارك وتعالى هذا حديث متفق عليه. Donc le cheikh il dit, et malgré tout, hein, même si tu as planifié faire un crime, tu as fait, tu as suivi tes passions, tes désirs, tu l'as fait, tu l'as calculé, tu es responsable devant Allah, malgré ça, cette chose-là ne sort pas de la volonté d'Allah. Parce qu'il n'y a rien dans l'univers qui peut se produire sans que Allah subhanahu wa ta'ala l'ait voulu. La volonté d'Allah est au-dessus de tout. Et rien ne sort de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, même si quelqu'un commet des péchés, ou même si c'est quelque chose de mal, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a voulu. Hein? C'est par sa volonté que ça s'est produit. Mais est-ce que ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il l'a voulu, ça veut dire qu'il l'aime? Non. Pourquoi? Parce qu'il n'aime pas le mal. Il n'aime pas ce qui est mauvais. Mais il l'a voulu pour une sagesse et pour un bien. Donc c'est ça qui est important de comprendre. Et il dit que les gens de la sunna, ils affirment hein, que la création et l'action, les deux sont créés par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire l'homme et son action, ou la créature elle-même et son action, les deux sont créés par Allah. Mais ils affirment hein, que le serviteur, il a quand même une force, une capacité et un choix et une volonté indépendante d'Allah. Hein? Il a une choix et une volonté, une puissance et une force, mais sa volonté et son choix et sa force, elle est en dessous hein, de la volonté d'Allah et de sa puissance. Donc on est sous la volonté d'Allah et sous sa puissance. Et il dit que la différence entre les gens de la sunna et les Jabriya, c'est que les Jabriya, eux, ils disent que le serviteur, il est forcé de faire ce qu'il fait, il n'a aucune volonté et aucun choix. Et que les actions qu'ils font sont des actions d'Allah. Hein, les actions qu'ils font, c'est Allah qui les fait faire. Hein, c'est Allah qui les fait, ces actions, c'est pas eux-mêmes. Et après, ils disent que le serviteur, il est forcé et donc il n'est pas responsable de ses œuvres. Comme s'il pense que l'être humain, c'est comme une marionnette. Hein? Et que c'est Allah qui fait faire ou qui lui fait faire tout ce qu'il fait. Il n'a pas de choix ni de contrôle sur ses œuvres. Ça, c'est de la folie, ça. Hein? Donc, le cheikh, il dit, ils sont tous dans l'égarement. Et la vérité, et c'est ce qui a été établi par les textes du livre d'Allah et de la sunna du messager alayhi salatu wassalam, du fait que tout ce qui existe dans la création d'Allah, eh bien c'est une création d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dans surat Az-Zumar, le verset 62, Allah est le créateur de toutes choses et il est de toutes choses le garant. Et il dit dans le verset 96 dans surat As-Saffat, Allah vous a créé et ce que vous faites. Allah vous a créé, vous et ce que vous faites. Donc toi et ton action, vous êtes créé par Allah. Et il n'y a rien, hein, excepté Allah et ses attributs, qui ne sont pas créés. Il n'y a rien dans l'univers, excepté Allah et ses attributs qui sont créés. Il n'y a rien dans l'univers qui ne sont pas créés. Ou bien tout est créé. Tout est une créature d'Allah dans l'univers, excepté Allah et ses attributs. C'est ça que ça veut dire. Vas-y. Par rapport à quoi exactement? De quel groupe? Par rapport au Jabriya puis au Qadariya, tous les gens de Bid'a, pourquoi ils pensent comme ça? Bon, c'est sûr, c'est pour par rapport tous les gens de bid'a, qu'est-ce qu'ils font, c'est par rapport à leurs passions. Mais les passions qu'ils ont sont des fois basées ou motivées par différentes motifs ou par différentes raisons, différentes causes, hein? Qadariya. Qadariya, c'est ceux qui nient le qadar. Il y en a parmi les qadariya, ceux qui nient la prédestination, il y en a qui disent qui nient la prédestination parce que comme s'ils sont confus dans la croyance, parce que en général la raison pourquoi ils sont confus, c'est parce qu'ils affirment des textes puis ils nient les autres, ou bien ils prennent une partie des textes puis ils acceptent pas les autres. Donc il y a des textes qui affirment que l'homme, il a sa volonté, il a sa capacité de choisir. Et eux, ils regardent seulement ces textes-là. Puis, il y a d'autres textes qui affirment, par exemple, la puissance d'Allah et le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est sa volonté qui est suprême. Alors eux, ils prennent uniquement les Jabriyah prennent uniquement ces versets-là, ils laissent les versets qui mentionnent la volonté du serviteur. Donc ils réunissent, ils savent pas comment rassembler les textes ensemble et comment les prendre et comprendre ensemble. C'est la même chose avec les autres bid'ah aussi. C'est ça. Ils prennent une partie des textes puis ils laissent l'autre partie. C'est ça. C'est ça qui amène les divisions. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dans un verset, il dit kullu hisbin bima ladayhim farihun. C'est-à-dire chaque groupe, il se réjouit de ce qu'ils ont, de ce qu'ils possèdent avec eux-mêmes. Et donc c'est ça le malheur en fait. Ensuite le cheikh il dit donc toi et tes actions, vous êtes créés. Il n'y a rien qui est en dehors de la création d'Allah. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui n'est pas créé par Allah, excepté Allah et ses attributs. Allah il n'est pas créé et les attributs d'Allah ne sont pas créés. Mais tout ce qui existe en dehors d'Allah et ses attributs, c'est créé par Allah. Le bien et le mal, tout ça revient à la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les piliers de la foi, il y a que tu dois croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour de la résurrection, hein, au jour dernier, et en la prédestination, qu'est-ce qui a été prédestiné de bien et de mal. Et que tout ce qui a été prédestiné de bien et de mal, ça vient d'Allah. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a prédestiné. Et ça, c'est comme c'est mentionné dans le hadith, hein, qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Maintenant, on passe à la prochaine partie. C'est le signe des Murji'a. Juste un instant. Aziz. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Non, ça va, c'est moi qui m'excuse. En fait, j'ai oublié de ramener le chèque. Mais lundi, je te l'amène, Inch'Allah. D'accord? Barakallahu fik, Aziz. Naam. Donc c'est ça. Après le cheikh dit wa alamatul murji'a tasmiyatuhum ahl as-sunnah mukhalifa wa naqsaniyya. سموهم مخالفة لأنهم خالفوا المرجئة وسموهم نقصانية لأنهم يقولون إن الإيمان يزيد وينقص. Donc le cheikh il dit les murji'a, ils ont appelé les gens de la sunna mukhalifa. Pourquoi? Parce qu'ils ont contredit les murji'a. Ajib. Et ils les ont appelés naqsaniya. Pourquoi? Parce qu'ils croient que la foi augmente et diminue. Les gens de la sunna, ils disent la foi elle augmente et elle diminue, comme c'est mentionné dans les textes. Mais eux, ils ne sont pas d'accord avec ça, alors ils nous appellent naqsaniya comme si c'était quelque chose de faux. Les murji'a. Les murji'a appellent les gens de la sunna naqsaniya et mukhalifa. D'accord? Naqsaniya qui vient du mot naqs, et naqs qui signifie le fait de diminuer ou d'avoir un manquement. Naqs. Ok. Après le cheikh dit Rulat al-Murji'a, غلاة المرجع الإيمان عندهم مجرد المعرفة، فيدخل في تعريفهم للإيمان فرعون والشيطان وكل كفار مريض، لأنهم يعرفون الله. يعني أبو جهل وأبو لهب وفرعون وهامان وقارون كلهم يعرفون الله عز وجل وأنه الخالق لهذا الكون وما فيه، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فرعون يقول أنا ربكم الأعلى، لكنه كذاب يقول خلاف ما يعتقد في قرارة نفسه. فعند غلاة المرجع يدخل فرعون وهامان وإبليس إمامهم في الإيمان، فيكونون على تعريفهم مؤمنين. Donc le cheikh il dit que parmi les murji'a il y a les extrémistes, parmi les murji'a qui sont en fait les jahmiya, les extrémistes parmi les murji'a ce sont les jahmiya. Ils disent quoi? Ils disent que la foi c'est seulement de connaître Allah ou de reconnaître son existence. Yani ça veut dire que du moment que tu connais Allah subhanahu wa ta'ala, t'es un croyant. Donc pour eux, Pharaon est un croyant, Shaitan est un croyant. Malgré que c'est des koufars, marites, c'est des mécréants acharnés. Oui, les murji'a, le jahmiya, c'est les extrémistes parmi les murji'a. Et donc ils disent, et donc tous ceux-là, ils connaissaient Allah. Abu Jahl, Abu Lahab, Pharaon, Haman, Qarun, tous ceux-là connaissaient Allah. Ils savaient que c'était le créateur de ce monde et de cette création. Et Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne justement à propos de Pharaon dans le Coran, le verset 14 dans surat An-Naml, il dit wa jahadu biha wa istayqanatha anfusuhum dhulman wa 'uluwa. C'est-à-dire que ils ont renié la foi en Allah et les signes d'Allah, alors que en eux-mêmes ils y croyaient avec conviction. Mais ils l'ont rejeté par injustice et par fierté, pour s'élever sur les autres. Pharaon, il disait, je suis votre Seigneur le Très-Haut. Mais il disait ça en mentant parce que c'est le contraire de ce qu'il croyait dans le fond de son cœur. Il savait très bien qu'il n'était pas leur Seigneur le Très-Haut. Mais c'est par fierté et arrogance. Et il dit le cheikh, donc, pour les extrémistes parmi les murji'a, eh bien, Pharaon, Haman, Iblis, qui est leur imam, eh bien, ils sont tous dans la foi, ces gens-là. Ils sont reconnus pour eux comme étant des croyants, parce qu'ils reconnaissaient l'existence d'Allah. Allah musta'an. وَمُرْجِئَةٌ أُخْرَى وَهُمْ مُرْجِئَةُ الْفُقَهَا يَقُولُونَ الْإِيمَانُ تَصْدِيقٌ بِالْقَلْبِ وَقَوْلٌ بِاللِّسَانِ فَقَطْ وأعمال الجوارح لا تدخل في تعريفهم للإيمان، والإيمان عندهم وعند الفئة السابقة لا يزيد ولا ينقص، وهذا الاعتقاد فيه رد لآيات كثيرة وأحاديث كثيرة تبين أن الإيمان يزيد وينقص، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وردت آيات أخرى في أن الإيمان يزداد، ويؤمن أهل السنة أن الإيمان يزداد حتى يصير مثل الجبال وينقص حتى يصير أدنى من مثقال ذرة. ودل على النقصان أحاديث الشفاعة المتواترة، يخرج من النار من كان في قلبه مثقال دينار من الإيمان، نصف دينار يعني درهم، حبة شعير، حبة ذرة، حتى أدنى من مثقال ذرة من إيمان. هذه أحاديث تدل على أن الإيمان ينقص، وأحاديث أخرى تدل على أن الإيمان يزداد ويزداد. فهم كلهم أداروا ظهورهم لهذه النصوص، والعياذ بالله. Donc le cheikh il dit qu'il y a un autre groupe de murji'a qu'on appelle les murji'atul fuqaha. Les murji'atul fuqaha. Donc les fuqaha parmi les murji'a, en général c'est les ahnaf, ahnaf, al-maturidiyya. Donc ils disent la foi c'est de croire avec le cœur une parole avec la langue seulement, mais les actions du corps ne font pas partie de la foi et de la définition de la foi. Donc, dans leur définition de la foi, il n'y a pas les actions du corps. Et donc, pour eux, hein, et pour le groupe Yanni, il dit la foi pour eux, et pour le groupe précédent, la foi, elle n'augmente pas et ne diminue pas. Et donc, ça, c'est une croyance qui, en fait, vient en contradiction et qui est réfutée par plusieurs versets et hadiths. De nombreux versets et hadiths dans lesquels on mentionne que la foi, elle augmente et elle diminue. Et on mentionne par exemple le verset 13 dans Surat Al-Kahf et le verset 2 dans Surat Al-Anfal, dans lesquels le premier, Allah subhanahu wa ta'ala, dit, ce qui signifie que ce sont des jeunes qui ont cru en leur Seigneur. Alors nous les avons augmentés en guidance. Et l'augmentation en guidance implique l'augmentation en foi. L'autre verset est encore plus explicite, le verset 2 dans Surat Al-Anfal. Les croyants ne sont que ceux que lorsque on leur mentionne Allah, leur cœur frémisse. Et lorsqu'on leur récite nos versets, cela augmente leur foi. Et ils mettent leur confiance sur leur, et en leur Seigneur, ils mettent leur confiance. Donc, ça, c'est la preuve que la foi, elle augmente. Et il y a d'autres versets qui prouvent que la foi augmente. Et les gens de la Sunna, ils croient que la foi augmente jusqu'à ce qu'elle devienne même comme des montagnes. Et qu'elle diminue jusqu'à ce qu'elle devienne plus petit que une graine de, hein, une graine d'atome, hein, ou bien un atome. Et il dit que la diminution de la foi, elle est supportée par les hadiths de l'intercession, les hadiths de l'intercession. C'est-à-dire qu'il y a une série de hadiths qui parlent de l'intercession du messager au jour de la résurrection pour les croyants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah subhanahu wa ta'ala va faire sortir de l'enfer quiconque avait le poids d'un dinar de foi et le poids de la moitié d'un dinar de foi et le poids d'une graine d'orge, hein, ou le poids d'une atome et même plus petit que le poids d'une atome de foi. Ça, c'est la preuve que la foi diminue. Et que la foi peut même devenir plus petit qu'un atome. Hein? Et donc, ces hadiths-là prouvent que la foi, elle diminue. Et il y a d'autres hadiths également qui prouvent que la foi augmente, et elle augmente, et elle augmente. Elle peut devenir, comme le cheikh l'a dit tout à l'heure, comme une montagne, et qu'elle peut grandir, donc. Mais les gens de Bid'a, parmi ces Mourjia, ils se sont tournés le dos à ces textes, et ils ont refusé de les prendre. Wala'iyadu billah. Après, le cheikh il dit, wa hunak ta'ifatun thalitha min al-murji'a al-karramiyya yaqulun al-iman an-nutqu bil-lisan faqat hatta al-munafiqin 'indahum mu'minun al-munafiq nataqa bil-lisanihi walau lam ya'taqid qalbuhu wa hadha 'indahum mu'min wa ba'd an-nas yad'i 'ala يدعي عليهم أنهم يقولون إن المنافقين في الجنة ولكن ليس الأمر كذلك لا يقولون بهذا المنافقون في النار وإن كانوا مؤمنين كما يزعمون ولكن هذا ضلال الإيمان كما ثبت في الكتاب والسنة اعتقاد في القلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح والمرجئة على اختلاف أصنافهم لا يدخلون الأعمال في الإيمان ولا يقولون الإيمان يزيد وينقص ويصفون أهل السنة بأنهم مخالفون ونقصانية والعياذ بالله وهذا ضلال من افتراءات أهل البدع فإذا وقع إنسان في بدعة فلا بد أن يحارب أهل السنة في شأنهم وشأن خصوم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لأن أهل السنة هم حملة نصوص القرآن والنصوص النبوية فلا يعاديهم إلا أهل الضلال من أهل الأهواء ويتفاوتون في ضلالهم وفتنتهم والعياذ بالله. C'est ça, ce qu'on appelle les murjiat al-fuqaha. Maintenant, il y a un troisième groupe, c'est al-murjiat al-karramiya. Al-murjiat Al-Karramiyya. Et eux, leur bid'a, c'est de dire que la foi, c'est uniquement la parole avec la langue seulement. Et leur égarement, c'est que, selon cette position, eh bien, dans ce cas-là, même les hypocrites, al-munafiqoun, qui ne croient pas avec leur cœur, mais qui disent avec la langue qu'ils croient, pour eux, sont des vrais croyants. Hein? Sont des vrais croyants dans cette dunya. Donc, le munafiq, il dit avec sa langue, hein, la foi, il dit, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, avec sa langue, même s'il ne croit pas dans son cœur. D'accord? Et le cheikh, il dit, et ça, yani, pour eux, c'est, même si le munafiq ne croit pas avec son cœur, pour eux, du moment qu'il dit avec sa langue, il est croyant quand même. Et il y a certaines personnes qui prétendent que ces gens-là disent que les munafiqoun seront dans le paradis, mais c'est pas vrai. C'est pas ça la réalité. Ils ne disent pas que les hypocrites sont dans le paradis. Ils disent que les hypocrites sont dans l'enfer, même si pour eux ce sont des croyants, comme ils le prétendent. Et il n'y a pas de doute que ça c'est de l'égarement. Si c'est des croyants, comment Allah va les mettre, hein? Comment Allah va les mettre en enfer si ce sont des croyants? C'est-à-dire dans le sens que de les laisser pour éternité, hein? Parce que sinon on sait qu'il y a des croyants qui vont entrer en enfer, mais pas pour rester éternellement, parce qu'ils sont morts, yani, avec des grands péchés, mais ils n'ont pas commis de shirk, ils n'ont pas commis de kufr majeur, donc ils ne vont pas demeurer éternellement en enfer. Ils vont sortir tôt ou tard. Le cheikh dit ensuite que la foi, telle que c'est confirmée dans le Coran et dans la Sunna, c'est de croire avec le cœur, de parler, de prononcer la foi avec la langue et de faire les œuvres avec le corps. Les murji'a, peu importe les différentes catégories, dans quelle catégorie ils sont, ils ne font pas rentrer les œuvres dans la foi. Et ils ne disent pas que la foi, elle augmente et elle diminue. Et ils décrivent les gens de la sunna comme étant des mukhalifoun et des naqsaniyah. Voilà, iyadhu billah. Et ça, c'est de l'égarement. Et ça fait partie des mensonges et des choses que les gens de bid'a inventent contre les gens de la sunna. Donc, si quelqu'un tombe dans une bid'a, il faut qu'il déclare la guerre ou qu'il fasse la guerre aux gens de la sunna. Parce que c'est ça leur travail, c'est ça qu'ils font. Hein? Les gens de Bid'a, leur but, leur objectif, c'est de faire la guerre aux gens de la Sunna. Hein? Parce que ce sont les opposés et les opposants des prophètes. Hein? Ce sont les opposants des prophètes. Et les défenseurs des prophètes, ce sont les gens de la Sunna. Parce que c'est eux qui portent les textes du Coran et les textes de la Sunna. Et donc, il n'y a personne qui s'oppose à eux ou qui les déteste, excepté les gens de l'égarement, hein, parmi les gens de la passion. Et bien entendu, ils sont tous à des degrés différents dans leurs égarements et dans leurs fitna. Na'ouzou billah. Le cheikh, il dit ensuite, « Wa alamatu al-rafidati tasmiyatuhum ahl al-sunnah nasiba » Yani, al-rafida, « Indahum ghuluun fi ahli » البيت في أهل البيت وكانوا في الأول شيعة يفضلون عليا على سائر الصحابة رضي الله عنهم ثم علي ثم على مر الزمان زاد ضلالهم وانحرافهم فصاروا وهم الإمامية الاثنى عشرية يعتقدون في أهل البيت أنهم يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون وليس ذرة في الكون إلا وهي تحت تصرفهم وإرادتهم لعنهم الله جعلوهم آلهة مع الله وطعنوا في الصحابة وكفروهم وطعنوا في أم المؤمنين عائشة وفي زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم ما يستحقون وقبحهم الله يسمون أهل السنة أو يسمون أهل السنة ناصبة لأنهم في أول الأمر لما غلوا في أهل البيت قابلهم ناس عندهم غلو في بني أمية سموهم ناصبة يقولون لأنهم نصبوا لأهل البيت العداء ثم انقرضت هذه الفرقة فصار الروافض إلى يومنا هذا يقولون على أهل السنة ناصبة، والناصبة عندهم كفار، وأهل السنة عندهم كفار قاتلهم الله. وأهل السنة يحبون أهل البيت ويحبون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وينزلون كل أحد منزلته، وينزلون أهل البيت منازلهم التي يستحقونها، ولا يغلون فيهم، ولا يغلون في الأنبياء ولا في شخص الرسول صلى الله عليه وسلم. وعمدتهم قوله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى، كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. Donc on va traduire cette partie. Le cheikh il dit que ensuite parmi les exemples qu'il mentionne, c'est que le signe par lequel on reconnaît les Rafida, c'est que les gens, ils appellent les gens de la Sunna Nasiba. Donc le cheikh il dit les Rafida, ils ont de l'exagération au sujet de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit au début les Shia c'est des gens qui préféraient Ali au-dessus des autres Sahaba. Puis avec le temps, leur égarement et leur déviation a augmenté. Et ce sont les, hein, en particulier aujourd'hui, les ceux qu'on appelle les imamiyas, hein, ceux qui croient aux 12 imams, les imamiyas, hein, on les appelle al-ithna ashriya, hein, ou bien parfois ils les traduisent en français, ils disent les duodécimains, hein, parce que ça vient du mot 12. Donc ceux qui croient en 12 descendants de Ali. Et ils disent que ce sont eux les imams des musulmans. Et donc, le cheikh il dit que ils ont exagéré au point de commencer à croire que ces 12 imams et la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam connaissent le raïb, connaissent l'invisible, et qu'ils ont un contrôle de l'univers et de ce qui se passe dedans. Et que même les atomes de l'univers sont sous leur contrôle et leur volonté. Allah musta'an. Et donc ils ont fait d'eux des divinités avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils ont également attaqué les sahaba, ils les ont déclarés kuffar. Et ils ont attaqué et insulté la mère des croyants, Aisha radiallahu anha, parmi les épouses du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Que Allah leur donne ce qu'ils méritent et qu'ils les maudissent. Après le cheikh il dit, et ils appellent les gens de la sunna nasiba. Pourquoi? Parce que au début ils ont exagéré à propos de Ahlul Bayt, et il y a des gens qui se sont opposés à eux. Parmi les gens qui avaient de l'exagération pour Bani Umayya, alors ils les ont appelés des nasiba. Et ils disent parce qu'ils se sont placés en animosité contre la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce groupe qui exagérait sur Bani Umayya et qui détestait la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette secte, elle est disparue, hein? Elle a cessé d'exister par la suite. Et les Rafida, jusqu'à aujourd'hui, continuent à utiliser le terme ou le nom de Nasiba pour décrire les gens de la Sunna. Et le cheikh il dit que pour les Rafida, les Nasiba sont des kuffars, donc pour eux les gens de la Sunna sont des kuffars, hein, qatalahumullah. Donc le cheikh il dit, et les gens de la Sunna pourtant ils aiment la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils aiment également les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ils laissent chacun d'entre eux dans sa position, la position qui lui revient, et il ne tombe pas dans l'exagération à propos des sahaba ni à propos de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire ils vont pas exagérer à leur sujet au point de faire d'eux des divinités et de les adorer en dehors d'Allah comme le font les Rafida, hein, qui les adorent en dehors d'Allah, et ils n'exagèrent pas non plus aussi à propos des prophètes, hein, ni à propos de la personne du messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et leur base à ce sujet, c'est la parole du messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit « N'exagérez pas à mon sujet comme les chrétiens ont exagéré avec, le fils de Marie. » Il dit « Je ne suis qu'un serviteur d'Allah. » Alors dites « serviteur et son messager ». Dites « serviteur d'Allah et son messager ». Le cheikh il dit « فَلَا يَغْلُونَ فِي أَحَدٍ وَيَعْتَقِدُونَ فِيهِ أَنَّهُ أَفْضَلُ خَلْقِ اللَّهِ وَمَعَ ذَلِكَ لَا يَرْفَعُونَهُ فَوْقَ مَنْزِلَتِهِ التي أنزلها الله إياها فلا يستغيثون به ولا يستنجدون ولا يعتقدون فيه أنه يعلم الغيب ولا أنه يتصرف في الكون ولا شيء من هذه العقائد التي يقولها أهل الضلال من الروافض ومن الصوفية في الأولياء من أنهم يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون حاشا أهل السنة من ذلك هذه عقائد أهل السنة وبرأهم الله مما ينبذهم يعني ينبذهم به الروافض من أنهم نواصب لأنهم يحبون أهل البيت ويحترمونهم وينزلونهم منازلهم. Donc le cheikh il dit que les gens de la sunna ils n'exagèrent pas au sujet yani de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam ni aucun d'entre les prophètes ni aucun d'entre les hommes yani, et ils ne croient pas non plus que yani, ils sont yani, ils sont les meilleures créatures d'Allah. Non, c'est ça. Il dit, il n'exagère pas à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il croit que c'est la meilleure créature d'Allah. Et malgré ça, il ne l'élève pas au-dessus de son niveau dans lequel Allah l'a placé. C'est-à-dire le niveau du prophète, de la prophétie. Ils ne vont pas l'élever puis faire de lui une divinité comme les chrétiens ont fait avec Isa alayhi salam, au point de commencer à l'adorer en dehors d'Allah et à dire qu'il est le fils d'Allah ou des choses de ce genre. Ensuite, le cheikh il dit, donc on ne demande pas, on n'appelle pas le messager d'Allah sallallahu alayhi salam au secours après sa mort. Hein? On ne demande pas le secours du messager d'Allah sallallahu alayhi salam après sa mort. Et en l'invoquant, hein, ou en lui demandant de venir nous secourir, ou des choses de ce genre, après sa mort. Hein, parce que ça, c'est du shirk. Et il dit, et les gens de la sunna, ils ne croient pas que un prophète peut avoir la connaissance du rêve, ni qu'il peut avoir le contrôle dans quelque chose de l'univers. Yani, ou aucune autre de ces, yani, ils croient pas qu'aucun être humain puisse avoir ce genre de croyance qui fait partie des croyances des gens de l'égarement parmi les Rawafid et les Soufiya. Hein? Parce que les Soufiya, qu'est-ce que les Rawafid croient à propos de leur imam? Eh bien, les Soufiya, eux, ils le croient à propos de leur Shuyukh, hein, qu'ils appellent des Awliya, c'est-à-dire des saints. Et ils pensent qu'ils connaissent le rêve et qu'ils contrôlent l'univers. Et donc, les gens de la sunna n'ont rien à voir avec ça. Et le cheikh, il dit, ces croyances-là sont les croyances des gens de l'égarement. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a innocentés de ce par quoi il nous appelle, par les sobriquets par lesquels il nous appelle. Hein, comme les Rawafid qui disent qu'on est des Nawasib. Hein, pourquoi? Parce que c'est faux. On n'est pas des Nawasib. Puisqu'on aime la famille du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et on respecte sa famille et on place chacun d'entre eux yani, à la place qui lui revient et yani, la place que Allah lui a donnée. Sans tomber dans l'extrémisme et l'exagération. Le cheikh il dit ensuite وَلَا يَلْحَقُ أَهْلَ السُنَّةِ إِلَّا اسم واحد يعني اسم أهل السنة اسم أهل السنة وإذا قلت أهل الحديث فهو بمعنى السنة. Donc, il dit, il n'y a aucun autre nom qui peut être donné aux gens de la Sunna, excepté un seul nom, c'est-à-dire le nom des gens de la Sunna. Et si tu dis les gens du Hadith, c'est dans le même sens que les gens de la Sunna. Et il dit, وَيَسْتَحِيلُ أَن تَجْمَعَهُمْ هَذِهِ الْأَسْمَاء لَا مُفْرَدَاتِهَا وَلَا مَجْمُوعِهَا يعني تنطبق عليهم أبدا يعني لا مفرداتها ولا مجموعها تنطبق عليهم أبدا ليسوا بناصبة وليسوا مشبهة وليسوا مجبرة وليسوا نقصانية ولا شيء من هذا لا تجتمع فيهم ولا توجد في لا توجد أفرادها فيهم فبرأ أهل السنة وهو كذلك وأهل السنة الحقيقيين هناك من يندسون في أهل السنة ويوالون أهل البدع ويحاربون أهل السنة فهؤلاء من أخطر الناس على السلفية والسلفيين افهموا هذا. Donc le cheikh il dit, et c'est possible, c'est impossible qu'ils soient réunis dans ces noms-là, que les gens de la Sunna soient réunis dans les noms que les gens de Bid'a nous donnent comme sobriquet. C'est impossible qu'on soit réunis sur ces noms-là. Il dit, ni en tant qu'individu, ni en tant que yani, groupe, ni en tant que nombre yani, de personnes réunies, ces noms-là ne peuvent jamais s'appliquer sur les gens de la Sunna. On n'est pas des Nasibas. On n'est pas des Mushabbiha, on n'est pas des Mushbira, on n'est pas des Naqsaniya, et on n'est pas aucun des noms qu'ils nous donnent. Il dit, et aucun peuvent se réunir, et il n'y en a aucun groupe ou individu qui serait d'accord de se faire appeler par ces noms-là. Et Allah nous a innocenté. Les gens de la Sunna, hein, et c'est la vérité, il a innocenté les vrais fidèles, les vrais défenseurs de la Sunna, les vrais gens de la Sunna. Par contre, il y a des gens qui peuvent s'infiltrer parmi les gens de la Sunna et prendre pour alliés les gens de la Bid'ah et faire la guerre aux gens de la Sunna. Il y en a des gens comme ça, et à notre époque, on le voit. Des gens qui se prétendent être sur la Sunna ou défendre la Sunna, ils s'infiltrent dans les rangs de la Sunna, puis ils commencent à faire la guerre à qui ? Au lieu de faire la guerre aux gens de Bid'a, ils font la guerre aux gens de la Sunna, hein, et aux salafines. Donc ça c'est, le cheikh dit, ces gens-là sont les gens les plus dangereux contre la salafie et contre les salafines. Il dit, comprenez ça bien. Le cheikh dit, « Al-an fi s-saha, unasun yuharibuna ahla s-sunna, wa yusammunahum, yani ghulat, fa yunabizuhum, hein, fa... » نبذهم لأهل السنة بالغلو يلحقهم بهذه الطوائف الضالة وينبذون أهل السنة بالغلو لأنهم ينزلون أهل البدع منازلهم كما أنزلهم السلف الصالح يعاملونهم على الطريقة السلفية التي كانوا يتعاملون بها مع أهل البدع وهؤلاء لا يريدون هذا لا يريدون أن تقول الإخوان المسلمين كذا ولا التبليغ كذا ولا الطائفة الفلانية كذا يقولون عندنا منهج واسع أفيح يعني يسع أهل السنة ويسع الأمة كلها مع يعني يسع أهل السنة وأهل السنة عندهم جماعة التبليغ والإخوان المسلمين يعني فرقة الإخوان المسلمين التي ضمت فرقا من الفرق الضالة يحتويهم الإخوان المسلمون يحتويهم الإخوان المسلمين الروافض بأصنافهم عندهم الصوفية بأصنافهم عندهم كل أهل البدع موجودون في تنظيمهم في تنظيم الإخوان المسلمين حتى النصارى يدخلون في تنظيمهم فإذا قلت إنهم أهل بدع يعني يصفونك بالغلو التبليغ يبايعون على أربع طرق صوفية فيها الحلول ووحدة الوجود والشرك والبدع والضلالات وإذا قلت عنهم مبتدع يصفونك بالغلو هؤلاء من أخطر أعداء أهل السنة فانتبهوا لهم ولمكايدهم. Donc le cheikh il termine ce point là en disant qu'aujourd'hui sur le terrain de la da'wa il y a des gens qui font la guerre aux gens de la sunna, hein, et ils appellent les gens de la sunna des roulades, des extrémistes. Et ça, on a entendu même des gens à Montréal qui disaient ça à propos des frères salafis, de certains frères salafis. Ah, ça c'est des roulades. Et même j'en ai entendu certains même à Montréal qui ont appelé même des, parmi les mashaykhs et les ulama, ils les appelaient des roulades. Allahu al-musta'an. Donc ça, si tu vois l'égarement de certaines personnes qui se disent salafis ou qui sont parmi les gens qui se disent salafis ou qui se prétendent être sur la sunna, et ils font la guerre aux gens de la sunna et ils les appellent des roulates, des extrémistes. Et donc, quand ils font des sobriquets, puis ils appellent les gens de la sunna et les gens qui s'accrochent à la salafie, ils les appellent des extrémistes et ils disent qu'ils sont extrémistes, eh bien, ils rentrent dans les différents groupes d'égarement qu'on a mentionnés, parmi ceux qui donnent des sobriquets et des surnoms faux aux gens de la sunna. Donc, ils donnent des sobriquets aux gens de la sunna en les appelant des extrémistes ou en disant d'eux qu'ils sont dans l'extrême. Pourquoi? Parce que les gens de la sunna mettent les gens de bid'a à leur place. Hein? Comme les salafs mettaient les gens de bid'a à leur place. Et ils interagissent, hein, ils traitent les gens de bid'a selon la méthode des salafs et de la salafia. C'est-à-dire, on est dur avec les gens de bid'a et on les réfute et on les expose et on mentionne leurs égarements et on met en garde contre eux et on s'écarte d'eux et on les boycotte et ainsi de suite quand ils appellent à la bid'a. Hein, eh bien, quand on agit de cette manière, eh bien, ils disent qu'on a du rouleau. Hein, parce qu'on met, on agit avec les gens de bid'a comme les salafs agissaient avec les gens de bid'a. Donc, ces gens-là, ils ne veulent pas ça. C'est-à-dire, ils ne veulent pas qu'on agisse de cette manière avec les gens de bid'a. Ils veulent qu'on dise, hein, non, les frères musulmans, ils sont bons, ils sont corrects, il y a du bien dedans. Les gens de tablir, non, ils sont corrects, il y a du bien. Et les tels groupes, oui, tel groupe, il y a du bien dedans. Hein, il faut prendre le bien, il faut aimer tout le monde, il faut se rapprocher de tout le monde, il ne faut pas se diviser. Hein, on est tous musulmans. Ou bien ils vont dire, oh oui, mais en plus on est dans un pays non musulman, on est chez les koufars, il faut s'unir, il ne faut pas se diviser. Vous, vous divisez les musulmans. Hein? A'ouzou billah. Donc, tout ça au nom de l'union et sous prétexte que, yani, tout est hein, musulman, tout le monde est musulman. Alors qu'ils appellent à des égarements, à des bid'as, des fois même à du kufr et à du shirk. Mais il ne faut pas que tu dises ça, il ne faut pas que tu mettes en garde contre leurs égarements, parce que soi-disant, on divise les musulmans. Comme si la division, elle n'existait pas déjà. C'est comme, ils pensent que c'est nous qui avons créé la division. Alors que la division, elle est là. La seule différence, c'est que nous, on dit, voici les divisions qui existent. On ne les a pas créées, ces divisions-là. Ces divisions-là, c'est eux qui les ont créées. Mais nous, on fait juste mentionner qu'elles sont présentes. Eux, ils disent, vous les avez créées, vous vous avez divisé. On ne vous a pas divisé. Vous étiez déjà divisé. Nous, on vous a fait comprendre que vous étiez divisé parce que vous êtes aveugle. Vous refusez de voir la division. Et c'est ça qui est étonnant avec ces gens-là. Subhanallah. C'est comme s'ils ont un voile sur leurs yeux qui leur empêche de voir la réalité des choses et la division. Nous, qu'est-ce qu'on a fait? On leur a clarifié les preuves et on leur a mentionné les paroles des ulama et des salafs et les textes du Coran et de la Sunna pour enlever ce voile qu'ils ont dans leurs yeux, pour leur montrer la réalité de qu'est-ce qui se passe. Et quand ils ont vu la réalité, ils ont dit, « Oh, mais vous avez divisé les musulmans. » Non, les musulmans étaient déjà divisés comme ça. Nous, on est venus vous montrer que c'était ça la réalité parce que vous ne le voyez pas, parce que vous étiez dans l'ignorance. Une fois que vous avez la connaissance de qu'est-ce que les ulama ont clarifié sur ces choses-là, là vous réalisez que c'est vrai qu'il y a de la division, vous dites, ah, vous avez divisé les musulmans. La division, elle existait avant nous, avant même qu'on était nés, avant même de naître. Hein? Hassan al-Banna, subhanallah, en quelle année il a fondé les frères musulmans, la secte des frères musulmans? 1928 ou 1927. Et nous, là, bon, moi, en 74, moi, je suis né. Des années après. Des années après. Presque un demi-siècle après. Ça veut dire quoi? Est-ce que c'est eux qui ont... Est-ce que c'est moi qui ai créé leur division qu'ils ont inventée? Ou bien c'est cette division, elle existait déjà avant moi? Avant même que je sois au monde, avant même que je sois musulman, elle existait, cette division. Donc aujourd'hui, parce que j'ai appris à leur sujet la réalité de ce qu'ils font et la réalité de leurs croyances, parce que c'est quelque chose que ils ne nous enseignent pas ou ils ne nous disent pas au début, mais une fois qu'on commence à le découvrir et qu'on commence à mettre en garde à leur sujet, là tout d'un coup on divise les musulmans. Allahu al-musta'an. Arrêtez de faire des bid'ahs et puis on va arrêter de mettre en garde contre vous. Donc le cheikh il dit ensuite, et ils disent, nous on veut une voie et un manhaj qui est large, hein, et qui accepte tout le monde, qui accepte les gens de la sunna et qui accepte toute la umma au complet, sans exception. Donc pour eux, Ahl sunna c'est qui? C'est Jamaat Tabligh, les frères musulmans, l'Ikhwan. Donc l'Ikhwan al-Muslimoun, ils ont accepté et ils ont adopté avec eux ou accepté avec eux toutes les différentes sectes d'égarement, ils les ont inclus dans leur groupe. Oui, la même chose. Oui, comme ils font dans comme RIS, hein. Il y a Killing the Islamic Spirit. Eux, ils appellent ça Reviving the Islamic Spirit, mais ils le détruisent en réalité. Il y a MAC à Montréal, et tous les autres groupes de Bid'a, il y en a des Ikhwan et de Tablir et autres. Subhanallah, et les Rafida, Shia, la même chose. Donc le Cheikh, il dit, toutes les sectes qui sont avec eux, tous les groupes d'égarement sont compris parmi eux. Les frères musulmans, ils ont accepté tout le monde, les Rawafid, avec toutes les catégories qu'ils sont. Et les soufis, toutes les catégories sont présentes chez eux. Et tous les gens de Bid'a sont présents dans leur organisation, l'organisation des frères musulmans. Même des chrétiens rentrent avec eux, parce que c'est un parti politique. Les frères musulmans, c'est un parti politique comme le parti libéral, le parti conservateur, le parti québécois. Tu peux, hein, ils disent, nous on est juste un parti politique, peu importe ta religion, ta croyance, tu peux être avec nous. Depuis que tu es d'accord avec nos principes, et les principes, les règles de notre parti, tu peux rentrer. Hein? Puis tu vas voter pour nous. C'est ça, les frères musulmans. Et c'est l'égarement pour ça, parce qu'ils n'ont pas d'aqida. Et c'est pas basé sur l'aqida. C'est pas basé sur le manhaj de l'islam. Donc tu trouves avec eux des rafida, des soufis, plein d'autres bid'ah. Et puis ça les dérange pas. Même des chrétiens peuvent rentrer avec eux dans leur parti, ça les dérange pas. Hein? Et donc. Si tu dis ce sont des gens de bid'a, ils disent, ah, toi t'es un extrémiste, hein? Tu parles de Jamaat Tabligh, tu dis le Jamaat Tabligh ils font la bay'a à quatre turq soufiya, al-Saharwardiya, al-Jastiya, al-Naqshbandiya et al-Qadiriya. Ça c'est des turq soufiya qui contiennent en eux des éléments de kufr et de shirk, comme al-Hulul, la croyance en al-Hulul, la croyance en Wahdatul Wujud et toutes sortes d'autres formes de shirk et de bid'a et d'égarement et d'innovation. Et quand tu dis d'eux, ce sont des innovateurs, ils te disent, ah, toi, tu es un extrémiste. Donc, le cheikh, il dit, ceux-là sont plus dangereux, hein, sont les plus dangereux ennemis des gens de la sunna. Alors, faites attention à ces gens-là et à leurs ruses. Faites attention à ces gens-là et à leurs ruses. Donc, c'est ce qui va conclure le cours aujourd'hui. Il nous reste une dernière partie, et c'est la partie 32, et c'est la façon dont on doit agir avec les gens de Bid'a. Et je pense que ça va être en fait le dernier cours, parce que après ce cours-ci, après la partie qui reste, il n'y aura pas d'autre cours après. Ce sera le dernier, on va terminer le livre. Donc on s'arrête ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Donc dimanche, probablement dimanche après l'Asr, Inch'Allah, ça va être la fin. Donc aujourd'hui c'est vendredi, demain samedi, dimanche, Inch'Allah, on va faire la dernière partie de Aqidatul Raziyyin avec l'explication de Cheikh Rabi'.